Radio Guémanzon. Veuillez l'accordéon. C'est tous les samedis matin. Oh, j'aime bien Radio Guémanzon. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Il est 10h06, nous sommes un petit peu en retard, mais c'est les aléas du temps. Donc nous sommes ensemble pour une nouvelle émission des... Les Jeunes. Oui, on a changé de nom, Christopher. Hein. Alors tout le monde va bien aujourd'hui ? Oui. Alors nous avons un invité de marque, hein. Donc on va lui laisser la parole tout à l'heure, mais avant tout, il y a, comme d'habitude... Une chanson mystère. La chanson mystère. Donc la dernière fois, elle avait été choisie par... Qui c'est qui était avec nous la dernière fois ? Léonard. Léonard, voilà. Léonard. Alors c'était Sodome... je ne connaissais pas. Je pense qu'il n'y a pas eu d'appel. C'était du rock metal. Voilà. Et aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par notre invité... Et Gabriel, donc on l'écoute et on ne dit rien. On a retrouvé les tuyaux. c'était la chanson Mystère. Alors moi j'aurais appelé tout de suite, j'aurais su ce que c'était. Mais voilà, on ne dit rien. Alors, on va demander à notre invité de se présenter. On vous laisse la parole. Bonjour à tous les auditeurs et salut les jeunes. Donc je suis Olivier et je suis le papa de Gabriel. J'ai eu la chance d'être invité à votre émission aujourd'hui et c'est un grand plaisir que je suis là. Et vous êtes tous émus, hein, hein. On voit que... Gabriel, tu es fier, toi. Ben oui, hein, papa qui est venu à ton émission. Hein, Gabriel? Oui. Gabriel? Oui. Je crois qu'on n'entendra pas beaucoup Gabriel aujourd'hui. Pourtant, je le vois, hein, il est bien présent. Ben oui. Non, moi, je suis très content de mettre des visages sur les voix que j'entends, parce que moi, je vous écoute toutes les semaines, et l'émission, je la trouve très intéressante. Elle est très, très bien. Bien. On remercie encore Radio Gemozo. Tout à fait. Alors, on va commencer par les infos, hein, les actualités, un petit peu, que vous avez pu entendre, et puis vous pouvez aussi, bien sûr, les commenter, donner votre avis. Alors, Christopher, on va te laisser la parole. Pour tes premières infos. Vous avez parlé des hélicoptères, là, vous avez parlé en premier, je pense. Oui, vas-y. Ah, les hélicoptères militaires. Alors, tu parles bien dans le micro, Christopher, que tout le monde entende. Ouais. Voilà, vas-y. En fait, vous avez écouté aux infos. Deux avions hélicoptères militaires sont heurtés au Mali. Ça fait 13 morts. 13 morts militaires. Et là, ils sont revenus en France. Et ils ont eu la Légion d'honneur. Au titre postil, je crois. Voilà. À quoi, tu dis? Au titre postil. Posthume. Posthume. Un titre posthume. Très posthume. Et tu nous avais dit qu'il y avait eu, à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Mars. Non, un hommage. Ah oui, c'est un hommage. Où? À Paris. Depuis lundi, tu as oublié, c'était où? C'est pas les Invalides, non? Les Invalides, oui. Oui, par qui? Par Emmanuel Macron. Voilà, qui est? Qui est? Qui est Emmanuel Macron? Le président. Voilà. De la République. Non, mais c'est bien, Christophe. Oui. Les autres, vous aviez entendu? Non. Non. Voilà. Et vous, vous avez entendu, vous êtes oui, au tout courant à fait, de tout oui. ça, bien Malheureusement, sûr. On est toujours au fait de toutes les cérémonies militaires, et puis on attache toujours une importance à ce qui s'est passé, quoi. Oui. Une actualité malheureuse. Christopher, tu peux continuer, vas-y. Je sais plus. Regarde sur ta feuille. Ça, c'est des questions pour le papa. Ah bah, rien du tout. Ben, Nicolas. Quoi? Les infos. Mon info que j'avais dit, là. Oui. Mon info, là. Oui. C'est quoi ton info? C'était l'hélicoptère, là, le militaire, là. Oh ben, tu as entendu ce qu'il a dit, Christopher? Non. Il vient de le dire. Les camions. Les véhicules. Vas-y, raconte. C'est les véhicules du militaire, là. Qui ont été en Syrie, là. Ah oui, alors toi, tu nous as lancé une info, mais c'était pas très clair. Donc, à la rigueur, si vous pouvez nous aider. Il nous a parlé de camions en Syrie, militaires. De français, c'est hein. C'est décousu, hein, quand même. Hein. Tu peux nous en dire plus, peut-être, que depuis lundi C'est le camion blanc avec une croix rouge. C'est le camion... D'aide humanitaire, peut-être. Oui, ouais. C'est ça, je crois. Puis okay. Là, il y a notre camion. Oui, donc toi, tu as vu ça. Oui. Ok. Vous avez compris, les autres? Oui. De quoi ils parlaient? La camion qui emmenait des... pour soigner des gens, je crois, ils parlaient. Des soins, ça peut être aussi l'alimentaire, il y a plein de choses. Hein. Bon, Christopher, vas-y. Je ne sais plus. Ah, il faut t'aider, oui. Bon. Alors, ensuite, tu nous avais parlé des inondations. Ah oui, à Nice. Dans le Var. Dans le Var. Ouais. Alors, 5 morts. Plus 3 pompiers qui sont été écrasés en hélicoptère. Ouais. Et puis alors, à l'heure d'aujourd'hui, là, c'en est où les inondations? C'est fini. C'est fini? Ah, Nicolas, il dit non, il n'est pas d'accord. Vas-y, tu as entendu autre chose, Nicolas ? Non. Non. Alors, comment tu peux dire que c'est pas fini ? Mais c'est pas fini, les donations, encore. Hein. Là, il reste le nettoyage, maintenant. Voilà. C'est une grande partie du travail, quoi. La plus grosse. Tu as entendu, Nicolas ? Oui. Oui ? Christopher, autre chose ? Non. Tu nous avais dit autre chose qui se passait à Paris en ce moment ? À l'Olympia ? La grève ? Ah, il y a grève à l'Olympia. ça vient d'arriver, je pense. J'étais pas au courant. Le 5 ? Ah, c'est quand le 5 ? C'est demain. Oui. Donc il y a une grève demain ? Non, si. Oui ? À Paris. Il n'y a qu'à Paris, c'est tout. C'est pas moi. Hein. T'as pas vu Camille ? Non. Nicolas ? Si, je crois l'avais vu, mais je sais plus. Oui ? Non ? Non. Non, tu nous avais dit autre chose, Christopher. Qui se passait à Paris en ce moment. Bon, là, c'est plus du loisir, quand même, du culturel. On va dire. À l'Olympia. Voilà. Non, c'est rien, c'est plus. Ça a rapport avec un grand chanteur. J'ai une idée. Voilà. Ah, tu vois, tu sais. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Olympia ? Un reportage. Ils ont mis, je crois. Et des affaires à Johnny. Voilà, il y a une exposition de ses effets personnels. Et de sa moto. Sa moto ? Ouais. Les autres, vous avez entendu ça ? Non. Non. Moi, je suis là. Personne. Non. Il y en a qui ont regardé les infos, tiens, hier soir. Ou alors, vous les regardez seulement le dimanche pour le lundi, quand on prépare ou... Non, mais j'aimerais bien, moi, savoir, quand même. Non. Oui, pas moi. Camille. Toi, pas du tout. Christophe. Moi, j'en gardais une autre scène. Hein. Quand ? Hier ? Oui, hier soir. Bon, en général, il y a des infos sur toutes les chaînes, non ? J'en ai à 10. On fait pas de pub, ça fait. Donc, toi, tu regardes les infos seulement le dimanche. Bonjour. Super. Le reste de la semaine, c'est vrai, il se passe rien. C'est pas la peine d'écouter, hein ? Si. Et Zinedine ? Quoi ? Comment ? Comment ? Oui. Tu regardes les infos ? Un petit peu, ben, c'est déjà bien. Oui. Pas moi, non, pas moi. Pas toi ? Non. Oui, oui. Ben ça vient d'Ara, Gabriel. Et... Faites d'entendre les autres, peut-être que tu vas dire, bah, il faudrait peut-être que je regarde un peu plus. Hein ? Bon, bah, les infos, c'est fini ? Oui, les questions. Bon. Ah, voilà, ils sont oh là là. Hein. Là, je suis intimidé, là. Je suis sous pression. Alors, on va essayer de faire chacun son tour et surtout écouter les réponses, Christopher. Hein, c'est important, ça. Tu veux commencer, peut-être ? Oui. Alors, vas-y. Je peux venir, s'il te plaît. Est-ce que tu veux un crayon pour les barrer au fur et à mesure ? Oui, s'il te plaît. Que tu ne repasses pas deux fois la même ? Merci. Tu peux venir, s'il te plaît ? Ah, il faut que je t'aide. Oui, s'il te plaît. Ah, déjà, première, mais... pourquoi ? Pourquoi vous voulez policier ? Parle dans le micro. Pourquoi vous voulez policier ? Alors... je me suis pas présenté correctement tout à l'heure. C'est vrai que je suis gendarme. J'ai oublié de présenter, de le signaler. Et les enfants m'avaient demandé de venir en tenue au studio. Donc pour leur faire plaisir, bah, je suis venu dans une tenue de gendarme. Alors mes motivations pour devenir gendarme, en fait, pour moi c'était simple, c'était les voyages. Moi j'ai toujours voulu voyager. Avant d'être gendarme, j'étais militaire dans l'armée de terre et j'avais déjà pu partir un peu. Et après, j'ai changé de képi et puis ça m'a permis de voyager encore davantage. Voilà. Toi, ça t'arrange pas, Gabriel, hein, que papa aime les voyages, hein, parce qu'il n'est pas souvent là. Hein. Ça arrive, malheureusement. Tu as compris, Christopher ? Oui. Voilà, aime les voyages. Aime les voyages. Okay. Alors, bon, j'ai une question. Le plus loin que vous soyez parti ? C'est la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, il y a 24 heures d'avion pour partir là-bas. Bus, papa, très loin. Bus. Et une fois qu'on est sur place, moi j'ai eu la chance de travailler sur l'île de Marée. Et c'est encore 2 heures d'avion. Et là, on se retrouve sur une petite île où il y a 5000 personnes. C'est comme si c'était Saint-Étienne avec Remiremont. Et il y a très peu de voitures. Et c'est un peu la vie des années 50. Mais alors, qu'est-ce que vous faites sur les îles comme ça? Ah ben, on assure toujours le respect des lois et puis les services de secours. Alors, on était une des rares, on était parmi les rares qui avaient un véhicule, ce qui fait que on patrouillait et puis on allait au contact du peuple kanak qui habite l'île de Marée. C'était très enrichissant. Oui, je n'en doute pas. Tout le monde écoute là, c'est intéressant. Hein, quand moi même. Ah oui, toi aussi, Gabriel. Hein. Qui veut poser une autre question? Vas-y. Tu peux la lire, s'il te plaît. Avez-vous déjà tasé une personne? Non. Oh. Ça m'est jamais arrivé. Ça tombait. Ça, en fait, c'est toujours lié à la fonction. Souvent, on me pose la question si j'ai un pistolet. Oui, j'ai un pistolet. Le taser, on entend beaucoup dans l'actualité. Mais en fait, on a tout ça, mais on l'utilise toujours en extrême recours. C'est l'ultime recours. C'est qu'il n'y a plus moyen de raisonner la personne ou de calmer la situation. Mais contrairement à ce qu'on voit dans les séries policières, quand on arrive, on ne sort pas tout de suite le pistolet ou le taser et puis qu'on l'utilise, quoi. On s'adapte toujours à la situation et on est toujours là pour discuter avant. Eh bien, à 99%, ben, en discutant, on arrive à résoudre les problèmes. C'est intéressant, hein, ça. Et moi, c'est... Oui, l'image qui se font les personnes. Avant et puis, de se battre. Après, c'est naturel aussi. Quand on regarde une série, on veut de l'action, des choses comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on aime bien les regarder. Mais la réalité est loin de ce qu'on voit à la télé, quoi. C'est bon la réponse, Christopher, pour toi, c'est bon? Allez, Zinedine. Que c'est tout? Tu veux que je t'aide? Oui. Ah, t'es pâté? Ouais, c'est narco ça. Je t'écoute, Zinedine. C'est quoi? Vas-y, descends. Avez-vous une voiture de gendarme? Oh, j'en ai plein. Elle n'est pas uniquement pour moi, hein, elle est à tout le monde. Hein. Mais on a des gros camions blancs, on a des bus. On a des voitures, on va dire, légères, hein, des voitures comme celles que à ton papa ou ta maman. Tu vois, on a plein de véhicules. On a des véhicules pour aller dans la forêt ou dans la boue, des choses comme ça, mais il y a plein de véhicules. Ça rejoint ta question, Nicolas. Tu avais demandé quoi, toi? Un véhicule de quelque chose que tu avais vu ce matin, là. Le véhicule. Pour aller dans la montagne, oui. Tu avais dit. Oui, j'en avais vu un, deux. Ah, un gros 4x4, oui, avec un coffre derrière. Une voiture aussi derrière. Oui, oui. On voiture. A plein de véhicules. C'est toujours et adapté bus, par rapport à l'endroit où on va. Et le bus. Et le bus, ah, le bus, ça te plaît, hein, Gabriel? Bien bus bleu. Oui. Bah après, c'est sûr que Gabriel habite dans une caserne, donc il voit plein de véhicules. Et des fois, c'est rare pour tout le monde de dire que, ben tiens, ce week-end, il y a un hélicoptère qui a atterri dans mon jardin. Après, ça arrive à l'escadron. Bah, tu pourrais nous raconter tout ça, Gabriel. Hein, hein? Bah, non, pourquoi non? C'est intéressant, tu sais, même pour les autres. Hein. Tu nous raconteras maintenant les mouvements dans la caserne? Non. Non. Ah bah, si, Gabriel. Quand il y a un hélicoptère, ça intéresse tout le monde. Hein. T'es d'accord? Non. Toi, tu veux rien nous raconter de ce qui se passe, c'est secret. C'est clair. C'est secret. Allez, Zinedine, une autre. Moi? C'est quoi ça? Oui, ben là, on a eu un peu la réponse. Hein. Des motos ? Il y a des motos, mais en fait, tout le monde ne peut pas conduire des motos. Il y a un stage spécial qui est très difficile, et il n'y a que certains gendarmes qui ont une moto. Oui, c'est quoi ça ? Ah, tu veux poser la dernière ? Oui. Il est parti. Un quin ? Non, attends, dis le dernier. Un quin. Enquête. Oui. Faites-vous des enquêtes ? Non, moi je fais pas d'enquête. C'est en fait, chacun a une mission, chacun fait un travail. Et en fait, si on fait tous plein de travail différents, en fait, on n'est pas assez bon pour être... on est moyen, on va dire. Et en fait, moi, à l'escadron, on est là pour apporter un renfort. Nous, on est nombreux, donc on apporte un renfort à différents gendarmes qui sont en tout lieu de... comment dire, en France, quoi. Mais sinon, moi, dans mon travail plus particulier, c'est plus, on fait du maintien de l'ordre, ce que tu vois dans les manifestations, ou alors l'hiver, on va dans la montagne, et en fait, on fait des secours aux gens qui font du ski. Tu vois, mais on fait déjà plein de choses, et c'est ce qu'il y a de formidable, c'est que ma journée, c'est jamais la même du jour au lendemain. Il n'y a pas longtemps, Gabriel nous avait dit, papa est à Paris. Oui, c'est vrai. Alors, Christopher, il a fait un lien avec... C'était les gilets jaunes ? Voilà. Non, c'était... ça arrive, bien sûr, ça arrive qu'on fasse les manifestations. Mais après, quand on est dedans, on ne se préoccupe pas de savoir quel genre de manifestation c'est. On fait une manifestation et puis on s'arrête là. Mais après, on a des missions permanentes, comme par exemple le palais de justice... Donc on assure l'ordre au niveau du palais de justice et on accompagne, par exemple, les prisonniers au moment de leur jugement. Parce que le prisonnier, c'est une personne humaine et on est aussi là pour assurer sa protection, en plus de le présenter au juge, quoi, pour le procès. Voilà, c'est très très varié comme métier. Donc c'est une gendarmerie mobile. Tout à fait, parce qu'on ne travaille jamais sur place. Et vous êtes beaucoup, là On est plus d'une centaine. Ah oui, quand même. Oh ouais. Ouais. Alors, après, bon, il y a beaucoup de célibataires, bon, il y a les familles, mais on doit bien avoisiner au moins 250 personnes dans la caserne, avec les familles. Ah oui, ça fait du monde, hein. Et donc, vous intervenez sur toute la France. Oui, oui, oui. Et dans les départements et territoires d'outre-mer. Et des fois, ça arrive aussi qu'on parte en opération extérieure. Comme au Mali ou sur d'autres conflits. Parce que dès qu'il y a un militaire à l'étranger, il y a toujours un gendarme quelque part sur la même mission. Pourquoi ? C'est pour des missions de ce qu'on appelle les missions prévôtales. En fait, on est là pour gérer les règlements des militaires et en même temps assurer une interface avec l'extérieur. C'est s'il y avait eu par exemple un accident de la route, les prévôts se déplacent et prennent en charge la situation pour apaiser, on va dire, les tensions éventuelles. Un peu médiateur, quoi. Voilà, et en même temps, il y a aussi l'enquête qui déboule sur. Ah oui. Qui résulte, pardon, de l'incident. Mmh. Intéressant, hein, c'est pas tout ça. C'est tout ce qui touche au civil, quoi, pas seulement au militaire. C'est essentiellement militaire, mais après, il y a effectivement l'interface avec le civil. Et puis, des fois, il y a aussi des missions d'instruction. Hein, moi, j'ai eu la chance de partir en Afghanistan, par exemple, pour faire une instruction aux policiers afghans, pour leur montrer les méthodes de travail en France, qui ne sont pas les mêmes du tout par rapport... Vous allez quand même dans des zones sensibles. Ah oui, oui, oui, oui. Oui, là-dessus, bon, il n'y a jamais de... On n'a jamais de retenue, comme on a l'habitude de travailler en sécurité. Après, on apporte un savoir-faire. Gabriel, il écoute. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il apprend plein de choses, Gabriel, sur ce que fait son papa. Ouais, hein, ouais. Oui. Oui, moi je crois que là, c'était super de faire ça. Ouais. Nicolas, tiens, on t'a pas entendu. C'est la deuxième... C'est la deuxième question, parce que la première... Comment ? La première, c'est déjà faite. Oui, mais tu peux faire la deuxième, c'est pas grave. Le... Avez-vous des radars dans les voitures? Oui. Avez-vous des radars dans les véhicules? Non. Non, non, moi je suis en gendarmerie mobile, ça c'est plus la gendarmerie départementale. Alors en fait, pour faire la différence, on regarde le képi ou bien les grades. Et la mobile, c'est toujours en jaune. Les grades, ils sont en jaune. Et puis la départementale, ils ont les grades blancs. Eux, ils ont plus une mission de s'occuper de ce qu'on appelle la police route. Hein, avec justement, comme tu parlais, des radars. Mais chez nous, on n'a pas de radar. Tu avais une autre question avant que tu n'as pas dit, Nicolas? Donc quoi, la première? Oui. Avez-vous déjà lancé des HERS? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais c'est un dispositif qu'on a l'occasion de mettre en place régulièrement quand on recherche des gros criminels, parce qu'il y a eu une grosse affaire. Mais ça existe, effectivement, avec les pointes pour crever les roues des voitures, quoi. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tirer la HERS. Tout le monde se représente, la herse, ce que c'est? Oui, c'est des piquants, là. Ouais, voilà. C'est des piquants, ouais, c'est ça. Films, ouais. Là. Oui, c'est souvent dans les films qu'on voit. Alors, soit c'est une grosse herse qui se déplie quand on tire sur une corde, ou alors c'est des plus petites qui sont grandes d'un mètre et qu'on vient jeter sous la roue de la voiture quand elle passe. C'est passionnant. Tiens, Camille, on t'a pas entendu trop, là. Depuis... Voilà. Oui. Vas-y. Oui, vas-y. Depuis combien de temps faisiez-vous gendarme? Alors, ça va faire maintenant presque 30 ans, quand je compte les 5 ans où j'étais dans l'armée. Parce que comme la gendarmerie est militaire, j'englobe toujours les deux. Je ne fais jamais de différence entre l'armée de terre et puis la gendarmerie, mais maintenant, ça fait 30 ans. 30 ans. Et puis vous allez jusque quel âge en moyenne? Au maximum 59 ans. Bon, les officiers, oui, c'est un peu plus grand, un peu plus longtemps, une soixantaine d'années, je crois, mais je ne connais pas exactement. Mais après, on a la chance de partir un peu plus tôt que dans le civil, parce que justement, on travaille dans des lieux assez... À risque aussi. À risque, ouais. Et puis bon, quand on a 60 ans, on est peut-être plus aussi alerte que quand on en a 20 et qu'on sorte d'école. Oui. Mais donc ça fait déjà pas mal. Donc on a une certaine pénibilité du travail, quoi. Bah vas-y, Camille. Quoi? Oui, c'est... Avez-vous déjà tombé? Été tombé? Non. Blessé. Blessé, oui. Bon, j'ai eu de la chance parce que c'était des blessures mineures. Hein. C'était une entorse parce que j'ai marché sur quelque chose. Heureusement, j'ai jamais eu de grosses blessures. Mais ça m'est arrivé. Ça arrive beaucoup aux collègues aussi. Mais on a de la chance, jusqu'à présent, il y a toujours eu... c'est des petits bobos. Christopher, tu veux en poser une autre? Oui. Je dois la lire, quoi. Vas-y. Avez-vous déjà fait une filature? Alors oui, les filatures, ça arrive. Hein, quand on est justement en renfort auprès d'une autre unité, que ce soit outre-mer ou en France métropolitaine... On fait un peu les missions, mais sans rentrer, sans être aussi, on va dire, technique que les gens qui sont en place. Mais par notre présence, on apporte un concours. Et effectivement, dans ces cas-là, ça m'est déjà arrivé de suivre une voiture ou une personne dans la rue, quoi. C'est bon pour toi, Christopher? Oui. Tu veux poser une autre? Oui. Avez-vous déjà mis des personnes sous écoute? Non. Ça, c'est trop particulier comme travail. Et en plus, c'est très réglementé. Tu sais, on peut pas, parce qu'on le décide, de mettre quelqu'un sous écoute. Hein, c'est, en fait, tu t'introduis dans la vie personnelle de la personne. S'il n'y a pas nécessité de l'écouter, bah, on ne peut pas le faire. Et on demande toujours une autorisation, par exemple, à un juge d'instruction pour mettre en place une écoute. Mais sinon, ça ne se fait pas, ça se fait pas comme ça. Sinon, ça serait trop facile et puis tout le monde le ferait et puis on ferait peut-être n'importe quoi après, quoi. Tu vois, les films, les Fox Surfer. Ah oui, les films. Hein. Oui, ça c'est des films américains, ça. Ça donne à tout le monde l'idée qu'on fait ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Non, c'est loin de là. Hein. C'est, oui. On est heureusement soumis à des règles, parce que sinon, ce serait, on ferait n'importe quoi après. Nicolas, avez-vous des véhicules de montagne? Oui. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des gros pick-up, hein, sans donner de marque, mais c'est un pick-up, c'est une voiture avec une petite cabine, des grosses roues, et puis à l'arrière, un coffre à l'air libre, qui sert pour se déplacer en montagne. Après, on a des 4x4 un peu plus, ce qu'on voyait dans l'armée de terre, et quand on est en renfort, souvent on a des motoneiges ou des quads. C'est des petites motos à quatre roues, comme ça c'est plus facile d'accéder à des endroits reculés pour rechercher une personne, par exemple. C'est bon, Nicolas, pour toi? Oui. Camille? Avez-vous déjà quitté la France pour votre travail? Oui. Ah oui, à plusieurs reprises, oui. Oui, ben, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi j'ai eu l'opportunité de partir en Afghanistan, et quand j'étais militaire, j'étais parti également en ex-Yougoslavie. C'est un pays d'Europe du centre, pour des missions de 6 mois. Ah oui, 6 mois carrément? Oui, oui. Ça devait être long, Gabriel. Oh là là. Hein? Et comment dire, ça doit être long pour vous, mais ça doit être long pour Gabriel aussi. Vous appelez? Oui, heureusement, comme on est dans le 21e siècle, oui. Maintenant, avant on passait par la webcam, oui. Et puis maintenant ben, les téléphones sont de plus en plus développés, donc on peut s'appeler tous les jours si on veut. Mm. Bon, moi je préfère le faire une fois par semaine, parce que si on le fait tous les jours, si un jour on a un souci technique et qu'on puisse pas appeler, oui. On se dit il s'est passé quelque chose ou on a le doute. Donc en général on s'arrange pour faire ou le samedi ou le dimanche, on fait un peu de vidéo pendant une heure et puis on essaye de rattraper un peu le temps perdu. Alors papa, il rapporte des cadeaux de ses voyages? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que je t'ai ramené par exemple? Tu te rappelles? Je sais pas. Dans le bloc en verre. C'est pas. Gabriel, c'est souvent la facilité, ouais, ça, je sais ouais. Pas. Hein. Si, tu sais beaucoup de souvent, choses. Souvent, je ramène des cadres aussi. Tu sais, pour décorer, que tu as mis à côté de ton lit. Tu te rappelles pas? Des fois, on ramène des petites choses, des araignées de Guyane. Ou des scorpions. Ça te dit quelque chose? Oui. Ah, quand même. Après. Non, on essaye toujours de ramener un petit souvenir local. Non, mais c'est bien, ça marque le coup. Hein, Gabriel? Oui. Oui. Allez, on continue avec les questions, parce que le temps file. Camille, tu as fini ou... Oui, papa oui. Est parti, oui, mais ils ont un peu, papa. Vas-y, Camille, je donne encore une. Je l'ai trouvé là, alors je lui ai écrit. Mais pourquoi c'est marqué N? Ah, N. Ah, c'est ça. Alors, Nicolas, tu en avais une là au bout. Quoi? Une question. Okay. Conduisez-vous des camions de CRS? Non. Non, moi je conduis à la limite des camions de gendarmes mobiles, mais pas de CRS. Après, il y a des, comme je te le disais tout à l'heure, soit on a des gros camions blancs, un peu comme ce qu'on voit dans le, chez les transporteurs dans le civil. Hein, c'est fait pour emmener nos affaires. Ou alors on a des, comment dire, des bus où il y a 9 personnes qui peuvent s'installer. Mais moi, comme je suis dans les anciens, maintenant, moi, je ne conduis plus. Je me fais conduire. Comme ça, je suis tranquille à côté du conducteur. Un gros camion blanc. Ouais, mais sinon, je peux conduire. Ouais. Bien camion blanc. Un camion blanc? Bien. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez en forme physiquement tout le temps. Oui, mais après... Donc vous avez des exercices tous les jours? Oui, on essaye de faire un maximum de sport. Bon, moi, avec le temps, j'ai un peu plus de, on va dire, de difficultés. Mais sinon, effectivement, il faut être assez aguerri pour subir certaines situations. Ce n'est pas nécessairement de l'exercice, enfin, comment dire, quelque chose de physique, mais c'est également mental, sur une durée où, des fois, on peut monter une garde pendant... une vingtaine d'heures, donc il faut effectivement pouvoir supporter. Et le plus difficile, c'est de partir outre-mer, parce que des fois on part de Remiremont, il fait moins 5, et puis on arrive à des températures de 40 degrés d'un coup, dès qu'on ouvre la porte de l'avion, les premiers jours sont assez difficiles, et les siestes, le bienvenu. Ça rejoint une question à Christopher, allez-vous dans des clubs de tir? Vous entraînez? Oui, alors on est obligé, hein, d'un point de vue professionnel, de tirer plusieurs fois dans l'année, hein, avec toutes nos armes de dotation. Et après, à titre personnel, pour m'aguerrir, ben, je suis également dans un club de tir sportif civil. Donc quand j'en ai le temps, quand je ne suis pas en déplacement et quand j'en ai l'opportunité, ben, je vais m'entraîner un peu. Voilà, c'était une de tes questions, Christopher. Non, encore. Oui. Alors, Christopher, je l'ai dit, hein, parce que, voilà. Qui arrêtez-vous? Des dealers, des voleurs, voilà. Nous, essentiellement, on interpelle les personnes qui sont recherchées. Bon, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'elles ont fait, mais c'est toujours des personnes qui sont réellement dangereuses ou... qui pourrait mettre en péril ou les personnes ou les règles de la société. Mais après, y a un peu tout, tu vois. C'est toujours quand on est en renfort par rapport à une situation qui fait qu'on cible telle ou telle personne. Alors, Christopher, encore, quel est votre grade? Alors, moi, je suis adjoint-chef. Adjoint-chef, c'est l'avant-dernier grade du corps des sous-officiers. C'est pas difficile de s'y retrouver dans les grades? Non. Quand on est dedans, on a l'habitude. Oui, après, c'est normal quand on est de l'extérieur. Mais on a un an d'école, on apprend plein de choses. C'est le monde militaire. Après, il y a des traditions, des us et coutumes. Pour nous, c'est très très facile. Après, effectivement, quand on n'a pas l'habitude, c'est plus compliqué. Alors moi, je vois une question. Allez-y. Enfin, puis Nicolas, il ne veut pas la dire, et puis ma voisine non plus. Ah bon? Je ne sais pas, il ne la voit pas. Avez-vous déjà eu peur? Ça, c'était une question. Ah, ça, c'est une grande question. C'est, je dirais non. Non, parce que on travaille toujours à plusieurs. Et en fait, c'est un peu du fait d'être nombreux. On peut pas montrer qu'on a peur aux autres, parce que sinon ils vont avoir peur aussi. Et non, j'ai jamais eu franchement peur. On fait notre travail, on essaye d'être normal. Hein, et puis ce qui nous aide, c'est qu'on est en groupe. C'est, j'ai un camarade, le camarade compte sur moi comme moi je compte sur lui. C'est une certaine osmose qui se retrouve même en dehors du travail, parce que le fait d'habiter en caserne, mon camarade après c'est mon voisin et puis on échange, ça se passe bien quoi, c'est une saine émulation on va dire. Vous avez jamais été surpris par une situation Surpris si, mais oui. Après il faut réagir tout de suite, oui. C'est... Non, là-dessus, ça va, quoi. Vous comptez tout le temps sur vos collègues. Oui, oui. Et oui. Ils comptent sur vous. Tout à fait, oui. Mm. C'est la cohésion. Seul. Oui, oui. Mm. Ben, si on est tout seul, c'est qu'il y a, il y a une faute. Ah, c'est oui. Qu'on a mal fait les choses avant, et puis c'est pas ah, normal. Oui. Voilà. Oui, vous êtes jamais tout seul. Non, non, jamais. Tout seul, oui. Non, non. C'est justement... Moi, après, avec le temps, j'ai un peu plus de recul. Maintenant, on va dire, c'est moi qui commande. Donc j'ai une vue d'ensemble sur tout le dispositif, sur tout le personnel. Et par contre, mes gars, quand ils sont dans l'action, eux, ils vont gérer leur, comment dire, leur intervention ou leur, et c'est, ils ont leur propre analyse. Et moi, j'ai une analyse du groupe. Voilà. Ah oui, c'est clair, hein. Oui. Non, mais c'est bien, c'est oui. Super intéressant, hein. Après, ça fait 30 ans. Bah oui, vous avez le recul, voilà, l'expérience. Ça, tout à fait. Oui, bah ouais. Voilà, oui. Ah, Christopher. Bon, alors, Christopher, faites-vous partie des services secrets? Non. Voilà. Non, non. Pour la télé derrière? Ouais. Non, non, ça c'est. Il y a des services qui font que ça. C'est les services secrets, mais non. Mais c'est aussi la gendarmerie? Non, je dirais que c'est davantage... chez nous, enfin, quand je dis chez nous, au niveau militaire, il y a des services qui sont assez discrets, on va dire, mais on n'a pas l'habitude de les côtoyer, et puis ils sont davantage sur Paris, et puis sur des missions vraiment très, très particulières. Quoi, hein, c'est directement du ministère de l'Intérieur. Oui, tout à fait, oui. Oui. Mais après, ça nous arrive de croiser des gens qui font partie des forces spéciales ou des choses comme ça, quoi. Et puis c'est des gens que nous, on côtoie, qui sont totalement normaux. Et puis on serait loin d'imaginer que c'était des... Ils font partie des services secrets, mais bon. Après, services secrets, c'est assez particulier, tu vois, comme travail. Mmh. Tu aimes bien Ouais. Oh bah c'est un peu le mystère, je pense. Hein. Ouais. C'est l'espion, c'est James Bond. Ça doit être un peu vivant caché quand même. Oui, ah oui, tout à fait. Oui. Après, ils doivent pas introduire ces personnes-là. C'est bon. Oui. Continue une autre. Allez. Oui. Oh, vous entraînez-vous à reconnaître les drogues? Franchement. Non. C'est non, parce que bon, je suis pas trop confronté au sujet, et il y a qu'une chose que j'ai appris en école, c'est que ce qu'on voit dans les films là où on perce le sachet et puis on goûte, c'est faux. Ah, c'est pas bon. Ah non, parce que le jour où il y a un poison dans la poudre, ben le fait d'avoir goûté, ben la personne va être Alors j'ai toujours appris ça. C'est ce qu'on voit dans les films, tu vois, c'est pas vrai. C'est pas bon, c'est bien. Non, et puis c'est. C'est ce que je disais à Christopher. Goûter des drogues, vous en goûtez deux trois, vous êtes vite couché. Je pense que ça. Ah bah moi je pensais pas dans ce sens-là. Hein. Bah, on les teste pas. Non. On n'est pas très efficace après, je pense, Christopher. Ouais. Tu vois. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Voilà, tu as raison, Gabriel. Ça, il faut le dire quand même. Il est fou, j'ai. Une autre question à Christopher. Vous êtes-vous déjà déguisé? Oui, dans des fêtes. Mais pas pour le métier. Non, non, j'ai jamais mis une fausse moustache ou ça m'est jamais arrivé. Tu veux en poser une autre, Nicolas? Oui. Vas-y. Oui. Oula, j'arrive pas à le relire. Quelles armes avez-vous pour vous défendre? C'est ça. Voilà bouclier, oui. Tout ça, oui. Ouh, alors, on a ce qu'on appelle la réponse, comment dire, des armes intermédiaires. En fait, c'est toujours gradué dans le... Bon, d'abord, on va se défendre avec nos mains, hein, parce qu'on apprend des techniques de... De lutte. De lutte. Après, on a un bâton en métal télescopique. Matraque. Ouais, une matraque, voilà. Après, si ça dégénère encore davantage, comme tu en parlais tout à l'heure, il y a le taser. Et puis après, malheureusement, c'est le pistolet, hein, en ultime recours, mais c'est vraiment dans une situation de danger, ou pour moi, ou pour quelqu'un d'autre. Tu vois, mais il y a toujours une réponse qui est proportionnelle à la menace. Si le gars, il veut se battre avec ses poings, on va pas sortir le pistolet et lui tirer dessus, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui ont des mitraillettes? Oui, on a aussi des, des pistolets mitrailleurs. Bon, là, c'est davantage quand on est en groupe, quand on est plus nombreux, parce que c'est toujours gênant d'avoir une arme comme ça. Et notamment aussi quand il y a des barrages, quand on attend une voiture qui est recherchée, parce que la personne a peut-être braqué une banque ou des choses comme ça. En fait, c'est davantage pour arrêter le véhicule que pour neutraliser l'individu. Parce que justement, ça tire beaucoup plus, alors on peut tirer dans le moteur ou dans les pneus. Et puis les grenades lacrymogènes qu'ils utilisent, dans les manifestations. Oui, ça c'est davantage dans les manifestations. Après, quand on est en service courant, ce qu'on appelle, quand on est en patrouille dans la ville, on n'a pas de grenades sur nous. Il peut des fois y en avoir dans le véhicule, mais c'est quand il y a une situation un peu compliquée. Et les armes, elles doivent toujours être chargées quand vous êtes en service? Oui, nous, les armes sont toujours approvisionnées armées, parce que si on a une arme, c'est qu'il y a une réponse peut-être à donner de suite par rapport à une situation dangereuse. Alors, je ne sais plus c'était lequel qui avait posé la question lundi. Rentrez-vous avec votre arme chez vous? Oui. Vous pensez à Gabriel? Oui, oui. Voilà. En fait, à la maison, on a un coffre-fort. Comme notre arme est toujours approvisionnée armée, avant de quitter le bureau, on désarme le pistolet. Et quand on arrive dans notre appartement, on ouvre ce coffre et on met l'arme dedans et on met un cadenas pour être sûr que personne n'y touche. Ça, c'était une question aussi. Tu le savais, Gabriel? Ah bon? Tu fais oh oh. Alors, il y aura sa mitraillette. Une autre question, Nicolas? Oui. Vas-y. Gabriel, c'était où vous allez quand vous partez? C'est sur Gabriel, hein? Gabriel? Marion, vous arrivez à lire? C'est Gabriel, c'est-il où vous allez quand vous partez? Oui, toujours. Toujours, je dis toujours où je vais, on montre sur la carte. C'est bien. Après, on montre le calendrier, on compte les jours. C'est. Non, j'ai jamais rien de secret, puis je partage un maximum. C'est important pour lui. Oui, avec ma famille au moment des déplacements. Après, quand je suis. Quand je travaille sur. Sur Remiremont, j'en parle moins. C'est. Je ne suis pas de nature à parler beaucoup de mon travail à la maison. Oui, parce que vous rentrez le soir. Voilà, oui. Donc, oui. C'est plus dans les grandes absences, quoi. Pour expliquer pourquoi. Oui. Pourquoi je suis là-bas. Nicolas. Il n'y en a plus. Oh, bon, j'avais. Avez-vous des chiens d'attaque? Elle n'est pas marquée, là. Personnellement, non. C'est comme je vis en appartement, c'est assez restreint. Par contre, il y a sur chaque compagnie de gendarmerie départementale, il y a des personnels qui ont des chiens. Bon, on ne parle pas foncièrement de chiens d'attaque, parce que les chiens font. On essaye de les dresser pour qu'ils fassent tout, aussi bien de l'attaque que de la piste. En fait, la piste, c'est de flairer une personne et puis de le retrouver s'il est perdu. Hein, ou rechercher des explosifs, de la drogue. Et il y a même des chiens qui sont entraînés pour renifler les billets de banque. Quoi? Ça existe? Ils reniflent quoi, alors? Ben, ils... Si c'est un fond? Non, c'est quand il y a des grosses sommes d'argent qui sont cachées, dans des maisons, c'est lié aux différents trafics. Oui. Et en fait, ils sont spécialement dressés pour ça. Ah, ouais. pourtant on dit l'argent n'a pas d'odeur. Oui, mais... ah si, quand même. Comme quoi c'est faux. Ouais. Ouais. Mais bon, après, pour toutes ces missions, bon, un chien, il ne pourra pas tout faire. Mais dans les unités cynophiles, on essaye de donner deux missions à un chien, pour éviter qu'il s'éparpille de trop, et puis qu'il, comme je le disais tout à l'heure pour les gendarmes, qu'il soit moyen. Ah oui. Donc on essaye d'être bon dans deux domaines, et puis on travaille là-dedans, quoi. Alors, les chiens de drogue, ils sont drogués ou... Non, non. Ah non, non, c'est... bon, moi, je... Vous voyez, c'est des choses qu'on entend. Je ne veux pas me placer à la place du maître de chien, mais en fait, c'est un jeu. C'est, moi, pour ce que j'ai vu et appris par le métier, c'est un jeu. C'est que le chien, lui, avec sa truffe, il va renifler des molécules d'odeur. Hein, parce qu'en fait, il faut s'imaginer que quand on marche, on laisse derrière nous plein de... molécules. C'est oui. Comme si c'était des toutes petites des grains de peau. Et en fait, le chien, c'est, quand il les renifle, c'est presque comme s'il les voyait. Comme s'il voyait une trace, comme ça. C'est pour, comme ça qu'il suit. Et en fait, quand il trouve l'objectif, le chien, c'est une complicité avec son dresseur, ben en fait, il lui donne un jouet. Ou c'est comme si on donnait une croquette. Ouais. Voilà. Et en fait, le chien, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire plaisir à son maître, et c'est d'avoir le jouet. Comme ça, il sait que derrière, il sait qu'il a bien travaillé. Il y a des chiens pour les avalanches ou aussi. Aussi, mais il y en a. C'est mais c'est plus des unités très très spéciales qu'on appelle les PGM ou les PGHM. C'est les pelotons de gendarmes de haute montagne ou de montagne où eux, effectivement, ils ont des chiens spécialement dressés à la recherche de personnes en avalanche. Voilà pour les chiens. Il y avait encore une question de Christopher. Et il n'y a pas de chat, sinon. Il n'y a pas de chat dressé. Oui, c'est toi qui as des chats, Christopher. Oui. Oui, T'as essayé de les dresser, Christopher? Non. une autre question. Parlez-vous plusieurs langues? Oui, mais c'est plus à titre personnel. C'est, moi, quand j'étais au collège et au lycée, je faisais de l'allemand. Après, quand j'ai commencé à travailler, puis qu'on travaillait un peu à l'étranger, j'ai vu que l'anglais était important. Et après, quand on arrive dans des lieux, on essaye d'apprendre deux, trois mots de dialecte local pour dire bonjour, merci, ou des petits mots sympas pour attirer un peu qu'on montre qu'on a de l'intérêt pour le lieu où on travaille. Bien voilà, vous voyez, on est au terme de l'émission. Maintenant, il reste encore 6 minutes. Oui, mais alors, on n'a pas passé de chanson. Alors moi, je trouve ça super. Ça veut dire que c'était super riche, super intéressant. Alors, je ne sais pas si on avait fini avec les questions, par contre. Non, parce que Chris, moi, il en a une. Ah, bah voilà. Bah. Moi, j'en ai une aussi. Ah, profitez-en alors. Hein. Je me suis toujours demandé quelle est la différence entre un gendarme et un policier. Alors, le gendarme est militaire. D'accord. Et le policier, en fait, c'est, je ne vais pas dire que c'est un civil, mais il est rattaché au ministère directement de l'Intérieur. D'accord. Et en fait, c'est juste ça qui fait la différence, que c'est une différence de statut. Les missions, c'est les mêmes ? C'est les mêmes, d'accord. Mais en règle générale, ça tient à l'emploi. C'est qu'un civil, c'est un peu épineux de parler de tout ça, mais un militaire, on va toujours lui en demander davantage. Tandis qu'un civil, quand il est astreint à 8 heures, il va faire 8 heures. Tandis que nous, on a une... Bon, après, ça remonte au temps du Moyen-Âge, hein, toutes ces histoires-là. Hein. Et c'est du fait d'accompagner aussi les forces armées pendant les guerres. Ben, en fait, on laisse les militaires avec les militaires. Pour résumer un peu. C'est, Et c'est pas les mêmes formations. C'est, on peut dire que c'est quand même les mêmes diplômes... les mêmes spécialités. Oui. Après, c'est les écoles qui sont différentes. Ah, oui. Mais aujourd'hui, on essaye de mutualiser beaucoup de formations pour des notions d'économie. Mais après, c'est toujours difficile de... comme vous me parliez tout à l'heure des grades militaires, oui. Moi, les grades dans la police, j'ai du mal aussi. C'est, pourquoi ? Parce que je ne suis pas issu de la police nationale. Donc, on n'apprend pas aussi bien que ce qu'on a fait à l'école plus tôt, quoi. Oui. Marion, tu as une question peut-être ? Oui, mais moi c'est à titre personnel, donc je la poserai au moment. Ah oui, d'accord, ok. Ben, moi j'en ai une autre. Demain, il y a une forte mobilisation en France. Ben, vous-même, allez-vous être mobilisé cette journée-là ? Non. Pas du tout ? Non. Ah, parce oui. que on a... en fait, si, il se peut très bien qu'on nous appelle cet après-midi. Hein, et puis, mais comme j'étais prévu de... en repos, on va dire, on a ce qu'on appelle une indisponibilité, c'est qu'on a beaucoup accumulé de jours de repos au cours de l'année. On est obligé de poser certaines dates pour pouvoir les écluser, parce que sinon, elles vont être perdues l'année prochaine. Quoi. Ah oui, vous, ça fonctionne comme ça. Fin d'année, il faut que tout soit... Voilà, oui. Ah oui. Après, c'est une gestion qui est assez difficile pour nos chefs. Quoi. Donc non, le 5, je ne serai pas, enfin demain, je ne serai pas monopolisé par l'actualité. Après, peut-être vous serez dans les manifestants, on ne sait pas. Hein. Ben, je dis rien, là. Non, non, c'est... non, après... ouais. Oui, voilà. Non, non, mais... prochainement aussi, on prépare nos renforts hiver, justement. Hein, pendant 3 mois ou 4 mois, on va être déployé sur le massif vosgien, ainsi que les Alpes, pour une partie de l'escadron. Donc ça va déjà nous occuper jusqu'au mois d'avril. Et puis, mon prochain déplacement outre-mer, ça va être la Guyane, au mois d'août. Et là, on va... on sera en forêt, en fait. Voilà. On sera dans la jungle. Pour les moustiques et tout ça. Wow, c'est rien, on a l'habitude après. On a la peau qui s'endurcit. Puis, Mais vous devez avoir des vaccins aussi par oui. Hein, toute l'année. Hein, le palu, tout ça, non ? Le palu, on prend des pilules sur place. Mais en fait, chaque année, on est suivi par le service de santé pour justement. Moi, c'est ce qui me plaît dans mon métier. C'est que demain. On peut très bien m'appeler pour dire, tiens, il y a tout l'escadron qui part à Tahiti, comme ça m'est déjà arrivé dans le passé. Et puis, on s'en va, donc on est toujours préparé, et au niveau vaccin également. Quoi. Oh là là. Oh là là. Là Tahiti. Alors, moi, je vais poser une question. Oui. Donc, ce sont des professions ouvertes aux femmes. Oui, maintenant, oui. Depuis... Vous en avez, vous, oui. J'ai eu la chance d'accueillir le premier personnel féminin au sein de mon peloton. Maintenant, elles sont une dizaine. Et moi, je trouve que c'est enrichissant parce que, au début, ça a bousculé beaucoup d'habitudes et puis c'était inhabituel. Hein, et puis aujourd'hui, on en est très très content. On est vraiment content de cette mixité. C'est un autre regard, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ouvert aux femmes. Ça t'intéresse, Camille ? Oui, c'est vrai. Bon, après, la départementale a toujours été ouverte au personnel féminin depuis 1984, mais la mobile, ça va faire depuis 2017. Ça va faire 2 ans. Ah oui. 2 ans passés. Là. Oh là là. Ah oui. Oh là là. Là, il faut rendre l'antenne, c'est ça. Eh bien, écoutez, on va vous remercier d'être venu avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je ne vous cache pas que j'étais intimidé, mais après, on est bien, on est dans le bain. Et moi, j'ai passé un riche moment. Puis je pense que peut-être une autre fois revenir aussi. On ne va pas monopoliser le temps d'antenne, quand même. Pas tout de suite, mais une autre fois. Non, ce sera avec grand plaisir. Oui. Parce que c'est un moment aussi partagé avec Gabriel, et je pense que c'est sympa aussi pour lui. Hein, Gabriel ? Il n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Hein. Il a écouté. Ouais. Oui, je pense qu'il a plus beaucoup. Christopher, que j'ai en face de moi, ils ont écouté. Moi, pas moi. C'est incroyable. Sinédine, alors, Christopher aussi. C'est pour dire que c'était très riche. Ah, c'était... T'es content, Gabriel ? Eh bien, c'est le principal. Quoi ? Ça t'a plu, hein ? Oui. Eh bien, écoutez, on va remercier encore le papa de Gabriel, souhaiter une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.